Un grand amour perdu, c'est comme la fin du monde. On ne veut pas y penser, mais c'est plus fort que soi. Les souvenirs débordent et l'avenir est trop incertain. On se perd dans des interrogations. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé, moi qui t'aime d'un amour sacré? Oh Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances? Tu m'as mise en pénitence. Un amour si grand ne peut mourir avec le temps. Reviens à moi avec douceur, mon cœur est sans rancœur. Que serais-je devenu sans toi? Entends les plaintes de ma voix. Un seul pas suffit pour me rendre heureux et remplit tout mon être malheureux. Où que tu ailles dans les bras d'un étranger, je sais que c'est passager. Il n'y a pas d'autre raison de vivre que cet amour qui nous rend ivres.